Le 11 avril, le Palais de la Culture du Peuple à Pyongyang a abrité le rassemblement consacré au 5e anniversaire de la promotion du dirigeant suprême Kim Jong-un à la magistrature suprême de notre parti et de notre État. Y ont pris part Kim Yong-nam, membre de la commission permanente du bureau politique du Comité central du Parti du Travail de Corée et président du présidium de l'Assemblée populaire suprême de la République populaire démocratique de Corée, le sous-maréchal de l'armée populaire de Corée, Fang Byung-so, membre de la commission permanente du bureau politique du Comité central du Parti du Travail de Corée, vice-président du Comité des affaires d'État de la République populaire démocratique de Corée et chef de la direction politique générale de l'armée populaire de Corée, le premier ministre Park Bong-joo, membre de la commission permanente du bureau politique du Comité central du Parti du Travail de Corée et vice-président du Comité des affaires d'État de la République populaire démocratique de Corée, Choi Ryong-hae, membre de la commission permanente du bureau politique du Comité central du Parti du Travail de Corée, vice-président du Comité des affaires d'État de la République populaire démocratique de Corée et vice-président du Comité central du Parti et d'autres cadres responsables du Parti, de l'État et de l'armée, les membres des organismes directeurs du Comité central du Parti dans la ville de Pyongyang, les députés à l'Assemblée populaire suprême, les officiels des organismes du Parti, des forces armées et du pouvoir, des organisations sociales, des ministères et des établissements centraux, les militaires de l'armée populaire de Corée et des forces populaires de l'intérieur de Corée, ainsi que les cadres des organismes, usines et entreprises de la ville de Pyongyang et autres méritants. Dans son rapport, Choi Ryong-hae a souligné que la promotion du dirigeant suprême à la magistrature suprême du parti et de l'État, selon le vœu unanime de tout le parti, de toute l'armée et de tout le peuple, a été un événement historique remarquable pour l'époque de nouvelles victoires et prospérité du Parti de la Révolution, de la patrie et du peuple, et d'ajouter. Le dirigeant suprême est le grand homme commun qui, par ses idées et leadership éminents, a conduit notre parti et notre État sur la voie victorieuse pour donner lieu à l'apogée de l'accomplissement de la cause socialiste. Les 5 dernières années constituent la période historique d'une importance de tournant dans l'édification d'une puissance socialiste tutsi. Au cours de cette période, le dirigeant suprême a réalisé les tâches importantes posées par l'époque et la pratique de la révolution afin de continuer la révolution coréenne entamée au Baekdu et d'orioler la marche du nouveau centenaire du Jutsu par la grande victoire. Aucune force dans le monde ne peut arrêter la marche du Parti du Travail de Corée, de l'armée et du peuple coréen, dirigée par le grand homme commun du Baekdu, et l'œuvre socialiste Jutsu à la coréenne est invincible. Pour terminer, le rapporteur a appelé tous à s'unir plus étroitement autour du dirigeant suprême Kim Jong-un pour militer avec confiance en faveur du développement de notre parti, de la prospérité éternelle de la puissance Baek Tu-san et de la victoire finale de l'œuvre révolutionnaire du Tse, œuvre socialiste.